tant que t'en réveilles. Toi t'es sûr de ne pas être comme les autres, t'es bien branché sur le reggae. T'as les yeux pleins de soleil, mais la mort guette dans les ruelles. Tu t'es acheté un peu de ganja, des mecs ont risqué gros pour toi. Toi le touriste, t'es le roi, les noirs n'ont vraiment pas le choix. Marcus Garvey, toi tu connais pas, Rasta c'est juste une mode comme ça. Le touriste et le roi, les noirs n'ont vraiment pas le. Il y a des palmes et des fruits verts comme au cinéma de Rasta Matraqué. Ça tu ne le vois pas, des marchés colorés, des oiseaux bariolés, des gamines prostituées. Ça tu ne le sais pas, qui bat ton hôtel friqué. T'as pas vu les cabanes en tôle ondulée. Des gunmen nous frappent leurs frères, toi t'es aveuglé, tu laisses faire. Des rasclats véreux te prennent ton fric, mais toi t'es venu pour la musique. T'as les yeux pleins de soleil, mais la manguette dans les ruelles. Le touriste et le roi, les noirs n'ont vraiment pas le.